Tersite est un personnage homérique, célèbre pour sa laideur et sa lâcheté. La fièvre carte réapparaît au bout de 2 jours, donc le 4e jour. Les sujets infâmes, ou s'il en aime mieux, insoutenables, appelés par les Grecs thèses paradoxales, ont exercé les sophistes et même les philosophes anciens. Notre Favorinus aimait beaucoup à traiter ces sortes de matières qu'il jugeait propres à éveiller l'esprit, à lui donner de la souplesse, à la guérir contre les difficultés. Ainsi, par exemple, il fit l'éloge de Tersite et l'apologie de la fièvre carte. Sur ces deux sujets, il trouva des idées ingénieuses et originales qu'il a conciliées dans ses ouvrages. Dans l'éloge de la fièvre, il produisit le témoignage de Platon qui avait dit « L'homme qui s'est relevé de la fièvre et a repris toutes ses forces jouira par la suite d'une santé plus constante et plus robuste. » Ce ne fut pas sans grâce que dans le même éloge, il joua sur une pensée légère. « Voici, dit-il, un vers qui se trouve justifié par une longue expérience. Les journées sont alternativement mères et marâtres. » Ce vers signifie qu'on ne peut être toujours bien, qu'on est bien un jour, mal un autre. Donc, ajouta-t-il, si dans les choses humaines, le bien et le mal reviennent tour à tour, combien une fièvre qui ne revient qu'à un intervalle de 2 jours n'est-elle pas une chose heureuse? 2 mères et 1 marâtre.